إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc toujours dans la continuité de la lecture et des quelques commentaires sur le livre intitulé Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wa Kitab Al-Aziz du Cheikh Abdul Azim ibn Badawi Al-Khilafi. Quant à la semaine dernière, on avait parlé des endroits dans lesquels il nous était interdit de prier. On avait commencé par citer tout d'abord les endroits dans lesquels, ou la règle qui nous montre les endroits dans lesquels on a le droit de prier. Quelle est cette règle? Quelle est cette règle? Avant de, la semaine dernière, dans le chapitre des endroits qui nous sont interdits à la prière, on a commencé par dire des endroits qui nous sont autorisés à la prière, avant de parler des endroits qui nous étaient interdits. Quels sont les endroits qui nous sont autorisés à la prière? Naam. C'est un des avantages que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sur les autres prophètes. Naam. Qui fait que la terre était pure, était un endroit approprié. Naam. Akhlaq. Donc on avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith qu'on avait cité, c'est la version où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de 6. Il y a d'autres versions où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de 5. On a dit qu'il y avait plus que 5 ou 6 spécificités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait au-dessus des autres envoyés, et on avait dit que parmi ces spécificités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et la terre m'est considérée comme moyen de purification et comme lieu de prière. » « Wa ju'iyati al-ardu tahuran wa masjida » Et on avait dit « Masjida » dans ce hadith signifiait l'endroit du sujoud, « makan al-sujoud ». Donc la règle, c'est que la terre tout entière est un endroit de prière. Ça, c'est la règle générale. Et on avait dit que à cette règle générale, il y avait des exceptions, des endroits qui nous sont interdits à la prière, et ces endroits nous ont été montrés par le prophète alayhi salatu wassalam. Quels sont ces endroits qui nous sont interdits à la prière? Al-maqbaratu wal-habban. Le cimetière, on avait dit le cimetière, ça signifie aussi l'endroit où il y a une tombe. Et que le cimetière contienne une tombe ou plusieurs, il est interdit d'y prier. On avait dit aussi que à partir du moment où la personne est dans l'enceinte du cimetière, même si elle prie dans un endroit isolé de ce cimetière, un endroit qui ne contient pas de tombe, on avait dit qu'il rentre quand même dans l'interdiction, car l'interdiction de prier dans le cimetière, quelle en est la cause? C'est un moyen de... Non, car non, le fait de ne pas prier, non, de prier est un moyen qui peut amener la personne à faire du shirk, à adorer les morts qui sont enterrés ou à les invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit que notre religion était venue pour fermer toutes les portes, petites soient-elles, qui pourraient nous emmener vers un grand mal, et en l'occurrence ici c'est le shirk. Et on avait parlé aussi de hammam. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le hammam? Qu'est-ce qu'il peut me répondre autre que Bachir? Je crois que ce soit toujours Bachir. Non. On avait dit le hammam, c'était l'endroit où l'on se lave, c'est-à-dire là, la salle de bain à notre époque. Non. Et quelle est la cause? Pourquoi est-ce qu'il nous interdit de prier dans le hammam? Non. Et quand il n'y a pas d'impureté? Non. Donc on avait dit, les savants avaient donné plusieurs explications pour expliquer la cause de l'interdiction de prier dans les salles de bain. Certains savants ont dit, c'est la plupart des savants ont dit, c'est l'impureté qui est présente. Et d'autres savants ont dit, ce n'est pas que l'impureté, il y a aussi le fait que ce soit un endroit où, sont présents des shayatins, des diables. Et tout endroit où sont présents des diables nous est déconseillé, voire interdit d'y prier. Taïb. Qu'est-ce qu'on avait cité comme autre endroit qui nous sont interdits à la prière? Al-Marahid, les toilettes. On avait dit que les toilettes, quelle est la preuve qu'il est interdit de prier dans les toilettes? Quel hadith? Il est interdit dans la salle de bain, mais... Non, Hassan. S'il est interdit de prier dans une salle de bain, il est encore plus interdit de prier dans les toilettes. Et ça, en arabe, ça s'appelle comment? En arabe, ce raisonnement s'appelle comment? Al-Qiyas, quelle sorte de Qiyas? C'est une analogie, mais ce type d'analogie bien précis, il a un nom chez les savants. Al-Qiyas ou Al-Awlawi. Al-Qiyas ou Al-Awlawi. إذا كانت الصلاة يمنع الصلاة في الحمام فمن باب أولى تمنع في المراحيض. Les savants appellent cela Al-Qiyas Al-Awlawi, c'est-à-dire l'analogie l'analogie du raisonnable ou du plus raisonnable. S'il est interdit de prier dans une salle de bain, il est encore, par l'analogie du plus raisonnable, il est encore plus interdit de prier dans les toilettes. Naam, on peut dire comme ça, l'analogie de l'évidence. Naam. J'avais une question pour Naam. Le fait de dire le basmala quand tu vas faire le dos dans le hammam, tu dis le basmala. Naam. Il y a juste de dire le basmala. Le professeur Sam a dit que c'est le voile entre toi et les djinns. Non, quand on va faire le dos. À ta wabba. Non. À ta wabba. À quoi le bismillah? Non, bien sûr, il y a juste. Parce que salat, là, il y a juste. C'est... Ouais. Parce que salat, Allah, c'est là, il y a juste parce qu'il y a kalam Allah, il y a. Non, on a dit la salat, la tajouz, on a dit pourquoi la tajouz. Soit parce qu'il y a de la pureté, l'impureté. Ou soit parce que c'est un endroit qui est contenu ou qui contient des diables. Mais est-ce que cela interdit de dire Bismillah? Non, ça interdit pas de dire Bismillah. Et certains savants ont même dit qu'il est autorisé de citer le nom d'Allah dans les toilettes. Parce qu'ils ont cité que le prophète, lorsqu'un compagnon est venu le saluer, le prophète ne lui a pas répondu. Et lorsque le prophète a fini de faire ses besoins et qu'il a fait les ablutions, le prophète a dit « Inni karihtu an adhkura Allah fi tilka al-hala » alors que je suis dans cette position ou dans cette situation. Et certains savants ont dit qu'il est interdit de prononcer le nom d'Allah pendant que tu fais tes besoins. Elle est au moment où tu fais tes besoins, pas au moment où tu es dans la salle de bain ou dans les toilettes. Certains savants ont dit ça et on prie comme preuve ce hadith du prophète. Donc le fait de prier, le fait de ne pas prier dans la salle de bain ne signifie pas qu'il est interdit de dire Bismillah. Et il y a des hadiths du prophète qui disent le fait de dire Bismillah, c'est un voile qui te permet de cacher ta nudité au djinn. Or, ta nudité, tu la découvres où? Dans les toilettes ou dans la salle de bain? Non. Quels sont les autres endroits qui nous sont interdits à la prière? Les endroits où il y a les chameaux. Naam. Les endroits où stationnent les chameaux et où ils dorment. Où ils stationnent, où ils dorment. Et on avait dit la cause, quelle est la cause de cela? Parce qu'ils ressemblent aux chayatines. Car? Ils ressemblent aux chayatines. Naam. Et ils ressemblent aux chayatines, c'est-à-dire ils ressemblent aux chayatines. Par rapport au caractère, par rapport à la méchanceté. Naam. Et par rapport à l'agressivité aussi. Retenez beaucoup le. J'ai une bonne mémoire. Non, qu'ils étaient que c'est un animal qui en lui est mal. Non. Et les endroits où stationnent les chameaux, mais lorsqu'ils ne sont pas présents, est-ce qu'il nous est autorisé de prier? Non. On avait cité la parole du Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah. Il disait que non. Non. Il disait sawa'an kanat al-ibil mawjouda am la. Que les chameaux soient présents dans ces endroits ou non, il nous est interdit d'y prier. Non. Et on avait parlé, et la question qui avait été posée la semaine dernière concernant de prier dans un endroit où il y a des images. Je vous ai dit que j'allais faire une recherche. J'ai trouvé une fatwa Cheikh Abdullah ibn Humayd, rahimahullah, qui est un des grands savants d'Arabie Saoudite qui est décédé, rahimahullah, il était questionné, est-ce qu'il est autorisé, هل يجوز أن نصلي في مكان يوجد سورة ولا نستطيع أو ليست لدينا قدرة على أن نقطع هذه السورة. Est-il autorisé de prier dans un endroit qui contient des images, sachant que nous n'avons pas la possibilité de déchirer, ou que nous ne pouvons pas, ou nous n'avons pas la possibilité de déchirer ou de enlever ces images. La réponse du Cheikh Al-Jawab, لا بأس بالصلاة وخاصة إذا كانت السورة مما يداس بالأرجل كما لو كانت في الفراش أو في موضع يداس ويؤطأ وهذا لا بأس به كما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما لو كانت السورة أمامك وأنت مستقبل القبلة فهذا مكروه والصلاة الصحيحة إن شاء الله ولا بأس بذلك فإن أمكنك أن تجد مكانا لم يكن فيه سورة فهو أولى. Donc le cheikh a répondu qu'il n'y a pas de mal à prier dans un endroit où il y a une photo. Donc la question c'est pour celui qui n'a pas la possibilité de l'enlever. Et la question elle est bien précise et la réponse c'est une réponse qui vient à cette question. Qu'il n'y a pas de mal à prier, surtout si l'image est une image que l'on piétine, comme les images qui sont contenues dans les tapis, etc. Ou dans les tissus, dans les étoffes de tissus, qui peuvent être pliées ou piétinées. Il n'y a pas de mal à cela, comme l'a signifié, ou comme l'a dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, quant au fait que lorsque la personne prie et que les photos sont en face de lui, en direction de la Qibla, il est alors déconseillé. Il est alors makruh de faire la prière, même si cette prière est valable. Même si cette prière est valable, il n'y a pas de mal à cela. Si la personne a la possibilité de changer d'endroit, qu'elle le fasse, cela est meilleur. Donc on retient de la fatwa du Cheikh, rahimahullah, c'est qu'il est déconseillé de prier dans un endroit où il y a des photos pour la personne qui n'a pas la possibilité d'enlever ses photos lorsque ces photos sont en face de lui, lorsqu'elles sont devant la direction de la Kaaba, de la Qibla. Et en aucun cas le Cheikh n'a remis en cause la validité de la prière. Et on avait cité cette parole quand je vous parlais la semaine dernière de la prière dans les églises. Dans la prière dans les églises, elle avait cité la parole de Omar al-Khattab radiallahu anhu qui déconseillait cela de prier dans une église car ce sont des endroits qui contiennent des images. Et Jumhur al-Ulama, la plupart des savants, disent que la prière dans une église est valable et valide, même si il est déconseillé d'y prier, vu les images qu'elles contiennent. Et les savants, rahimahumullah, quand ils parlent de prier dans une église, ils citent deux cas, lorsque la personne a le choix et lorsqu'elle n'a pas le choix. Et lorsqu'ils parlent du fait que c'est déconseillé, ils parlent de la personne qui a le choix de prier hors ou dans un endroit autre qu'une église. Celui qui a le choix de prier dans un endroit autre qu'une église, mais prie dans cette église, cette prière est déconseillée. Elle est déconseillée, mais valide. Quant à celui qui n'a pas le choix, on ne peut pas dire qu'elle est déconseillée parce qu'il n'a pas le choix. Non. Donc c'est la réponse à la question qui avait été posée la semaine dernière. Les cas d'extrême urgence autorisent les choses interdites. Mais il y a une autre règle qui restreint cette règle-là. Beaucoup de gens utilisent cette règle, mais n'utilisent pas la deuxième qui la restreint. Beaucoup disent les choses, les cas de force majeure autorisent les choses interdites. Mais il y a une autre règle que les savants disent, mais le cas de force majeure, il doit être pris à juste mesure. Les savants ont donné un exemple. Celui, par exemple, qui marche, qui est dans le désert, perdu dans le désert, affamé, et qui ne trouve que de l'alcool pour rassasier sa soif et pour survivre. Là, est-ce qu'il lui est autorisé de boire l'alcool? Non. Pourquoi? Car c'est une daroura, c'est un cas de force majeure. c'est sa vie qui est en jeu. Donc les savants disent il lui est autorisé. Mais ils disent est-ce qu'il boit toute la bouteille? Non. Il doit boire de cet alcool la quantité qui lui permettra de survivre. D'accord? Et ne pas boire toute la bouteille. Car le surplus qu'il aura bu ne rentrera pas dans le cadre de force majeure. Donc il faut toujours, lorsqu'on cite Ad-Daroura Tubihu Al-Mahdoura, il faut toujours citer après Ad-Daroura Tuqaddar Biqadariha. Ensuite, on avait parlé de l'Adhan, on était rentré dans le chapitre de l'Adhan. On avait dit que l'Adhan c'était un appel. On avait cité les preuves dans le Coran qui prouvent l'Adhan et que c'est une ibadah, que c'est une adoration légiférée. On avait cité le hadith du prophète alayhi sallam, entre autres le hadith du prophète alayhi sallam lorsqu'il dit lorsque l'heure de la prière est arrivée, que l'un d'entre vous fasse l'adhan et que le plus grand d'entre vous préside la prière. On avait dit que l'adhan était une obligation, c'était un fard kifai, une obligation qui, lorsque elle est faite, elle est accomplie par une partie des musulmans, l'obligation est enlevée des autres. Et ce n'est pas, dans une mosquée, n'est pas obligatoire pour chaque personne qui rentre dans la mosquée de faire l'adhan. Non, si une personne le fait, cela enlève l'obligation sur les autres. On avait dit que l'adhan était obligatoire, que ce soit en voyage ou non. On avait aussi cité que l'adhan était légiféré uniquement pour les cinq prières, et dont Al-Jumu'ah entre. Taïb. On avait aussi parlé des bienfaits de l'adhan. Qui peut me citer un hadith du prophète sallam qui montre les bienfaits de l'adhan? La semaine dernière, on en avait cité trois. Deux qui sont inscrits dans le livre et un troisième que j'avais rapporté en plus. Non, un hadith du prophète sallam qui montre les bienfaits de l'adhan, qui montre la récompense de celui qui fait l'adhan, les mérites de l'adhan. Non. Non. Le Prophète a dit Inna atwala an-nas yawm al-qiyama, inna atwala an-nas a'naqan yawm al-qiyama al-mu'adhdhinun. Que ceux qui auront le cou le plus long le jour du jugement seront ceux qui font l'appel à la prière. Ce seront eux qui seront visibles parmi toutes les personnes présentes le jour du jugement. Naam. Naam. Avec si les gens connaissaient le mérite dans le premier rang et dans l'Aden et qu'ils n'avaient pas le choix que de faire. Non, il y a aussi un hadith qu'on n'a pas cité la semaine dernière, un hadith du prophète alayhi sallam qui dit si les gens savaient le bienfait qu'il y a ou le mérite de l'adhan et du premier saf, ils feraient un tirage au sort, ils auraient recours au tirage au sort pour faire l'adhan. Non, la seule chose qui pourrait être arbitre serait le tirage au sort. On avait aussi cité un hadith du prophète sallallahu alayhi sallam que j'avais cité en plus, le hadith Salman al-Farisi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'une personne est dans un terrain vague, dans un endroit isolé, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'elle fasse al-wudu. Non. Qu'elle fasse al-wudu. Summa. On avait dit quoi? Le hadith sallallahu alayhi wa sallam. Non, ça c'est un autre hadith qu'on avait cité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ce hadith-là, hadith سلمان الفارسي كان الرجل إذا كان الرجل بأرض قي فحالة الصلاة فليتوضأ qu'il fasse les ablutions فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكا s'il fait الإقامة prieront derrière lui ses deux anges وإن أذن وأقام et s'il fait الأذان et الإقامة صلى وراءه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. Prieront derrière lui des soldats d'Allah, c'est-à-dire des anges, qui seront tellement nombreux que leur bout ne sera pas visible. Naam. Naam, il y a aussi le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, où lorsque le prophète a dit, en parlant à Abu Sa'id al-Khudri qui a parlé à un berger, lorsque tu es au sein de ton troupeau, dans ta campagne, irfa' sawtak, dans ton appel à la prière, car nulle personne qui t'entend, nul djinn, car toute personne ou tout djinn ou toute chose qui entendra ton appel à la prière témoignera en ta faveur le jour du jugement. C'est le qawl de Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu. Mais ensuite Abu Sa'id al-Khudri, qu'est-ce qu'il a dit à la fin du hadith? Sami'tuhu mi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite Abu Sa'id al-Khudri a dit: j'ai entendu cela du prophète alayhi sallatu wa sallam. Tayyib, صفته أي صفة الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، قال: فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد، قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. Donc صفته la caractéristique de l'adhan ou la description de l'adhan. Selon Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbih a dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était résolu à faire sonner la cloche, alors qu'il détestait cela, par sa ressemblance aux chrétiens. Tafabi min al-layl ta'ifun wa ana na'im. Un homme est venu vers moi alors que je dormais, c'est-à-dire dans mon rêve. Et non, là c'est Abdullah ibn Zayd. Non, là c'est Abdullah ibn Zayd qui parle, qui dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était résolu à faire sonner la cloche. Et cette riwaya du hadith, la riwaya, la version d'Abu Daoud, rahimahullah, elle résume le début. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait consulté ses compagnons radiallahu anhum afin de trouver un moyen ou de trouver le meilleur moyen et le plus efficace pour pouvoir appeler les gens à la prière. Et des compagnons ont proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam des cornes, de souffler sur une corne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé, car cela est utilisé par le peuple des juifs. Et il a été proposé au prophète alayhi wa sallam la cloche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait refusé, car cela était une ressemblance au peuple chrétien. Et des compagnons ont proposé au prophète alayhi wa sallam d'allumer un feu. Et le prophète alayhi wa sallam a refusé, car cela était une ressemblance au Majus. Et dans ce hadith, Abdullah ibn Zayd dit: lama ajma'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallam s'était résolu à utiliser la cloche, mais ne l'a pas utilisée. Il s'était résolu à l'utiliser malgré qu'il détestait cela, car il n'avait pas trouvé d'autres moyens. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas utilisé la cloche pour appeler les gens à la prière. Et après cette consultation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, le soir même, Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu a fait un rêve. il a fait un rêve qu'un homme est venu vers lui. Un homme qui était habillé de deux vêtements verts. عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله. Et cet homme avait dans sa main une cloche qu'il prenait. قال فقلت et Abdullah ibn Zayd a dit à cet homme, donc toujours dans son rêve, Ya Abdullah, ô esclave d'Allah. Et les savants ont utilisé cela pour dire que c'est ainsi que l'on doit appeler celui qu'on ne connaît pas. Les savants ont dit, Au fi hada dalilun ala ou hada khitabun liman la yu'araf. Une personne que tu ne connais pas, au lieu de dire Muhammad ou Al-Hajj, tu dis Ya Abdullah, ô Abdullah. أَتَبِعُ النَّاقُوسِ Donc Abdullah ibn Zayd a dit à cet homme « Oh, esclave d'Allah, Ya Abdullah, est-ce que tu vends cette cloche ?» Et l'homme lui a répondu « Que veux-tu faire avec cette cloche ?» Abdullah ibn Zayd a dit « Afin que l'on appelle à la prière. » L'homme lui a dit « Ne veux-tu pas que je te montre une chose meilleure que cela ?» Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu a répondu « Bien sûr. » Et l'homme lui a dit « Taqulu, dis الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي سبجيغ تعالى وأقبلوا سبجيغ فني أكوري حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أكوري حي على الفلاح سنفي أكوري فني vers la félicité. Hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Qala, c'est-à-dire Abdullah ibn Zayd, a dit, thumma sta'khara ghayra ba'id. Puis il s'est reculé sans s'éloigner, c'est-à-dire l'homme. Et les savants ont dit, fihi dalil, ala anna al-adhan la yuwafiqu al-iqama. Les savants ont dit, dans cela, il y a une preuve qu'il y a un laps de temps qui sépare l'Azan et l'Iqama. Puis il s'est reculé sans ne trop s'éloigner. Et l'homme lui a dit, puis tu dis, lorsque tu t'apprêtes à prier, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Hayya ala salah. C'est-à-dire, la prière est arrivée. La prière est arrivée. Qad qamat as-salah, qad qamat as-salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Et Abdullah ibn Zayd, radiallahu anhu, a dit, et le lendemain matin, falamma asbah, je suis parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je l'ai informé de ce que j'ai vu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est une vision vraie, incha'Allah. C'est une vision véridique, si Allah le veut. Thumma amara bit ta'zin. Et ensuite, le prophète alayhi wa sallam a ordonné qu'on fasse l'appel à la prière. Fakana bilalun mawla abi bakrin yu'azzinu bidhalik. Et Bilal radiallahu anhu, qui était l'esclave d'Abu Bakr, qu'Abu Bakr radiallahu anhu a affranchi. C'est pour cela que Abu Bakr radiallahu anhu, il lui était souvent dit, Anta Sayyiduna wa a'taqta Sayyidana. Tu es notre Sayyid, yani tu es un homme de grande valeur et tu as affranchi un homme de grande valeur. C'est-à-dire Bilal ibn Rabah radiallahu anhu. Et Bilal radiallahu anhu faisait l'adhan après que le prophète alayhi salatu wasalam lui a ordonné. Et dans d'autres hadiths, Omar ibn Khattab radiallahu anhu est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, ô envoyé d'Allah, j'ai vu moi aussi ce rêve auparavant. Donc Omar radiallahu anhu avait vu ce rêve, avait vu que l'adhan devait être fait de la sorte avant Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna hadhihi ar-ru'ya haqqun. Cette vision est véridique. Or, il y a une règle que les savants ont instaurée, c'est que il ne découle jamais de jugement en se basant sur une vision sur un rêve. Sauf si ce rêve a été présenté au prophète alayhi salatu wassalam, ou est mis en concordance ou est exposé à sa sunna alayhi salatu wassalam. Les savants ont dit illa idha urida هذه إلا إذا عرضت هذه الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وعلى سنته في مماته. Pour utiliser un rêve et en appliquer des jugements, il faut que ce rêve soit présenté au prophète صلى الله عليه وسلم dans son vivant, ou bien alors qu'il soit présenté à sa sunna, à la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم après sa mort. Car beaucoup de gens utilisent des rêves et le diable vient leur faire al-waswas, vient leur insuffler des fausses choses et fait croire à ces gens qu'ils ont vu le prophète alayhi salam, alors qu'en vérité ils ne l'ont pas vu. Ils ont peut-être vu dans leur rêve une personne, ils ont cru que c'était le prophète alayhi salam, mais en vérité ce n'était pas lui. C'est pour cela qu'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, qui expliquait les rêves, lorsque des personnes venaient le voir et lui disaient j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, la première question qu'il posait était décris-moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme tu l'as vu dans ton rêve. Et si la personne disait c'était une personne très grande, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas très grand, il n'était pas très petit, même s'il était plus grand que petit. Autant de détails que les compagnons radhiyallahu anhum connaissaient. Et le prophète sallam a dit inna shaytana la yatamassalu bihi, le diable ne prend jamais mon apparence, c'est-à-dire ma vraie apparence. Celui qui a vu le prophète sallam dans sa vraie apparence, comme cela est décrit dans sa sunna alayhi salatu wassalam, sache que tu as vu le prophète alayhi salatu wassalam. Mais le fait que tu as une suspicion ou que tu es même persuadé que tu as vu le prophète alayhi salatu wassalam sans que tu en connaisses sa description, tu ne peux pas en être sûr. D'accord ? Ala kulli hal, les savants sont clairs que des jugements ne découlent pas des rêves. Car beaucoup de gens d'innovation utilisent cela pour appuyer leur innovation. Tu vas leur dire non, par exemple, il n'y a pas de azan en dehors des cinq prières. Ils vont dire mais si, j'ai vu dans mon rêve que j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de l'Eid et il y avait l'azan. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'il y a l'Aden pour Salat al-Eid, parce que j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens d'innovation ne trouvent pas de preuves dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'en retournent aux rêves. Et n'ont pour preuve que des rêves. Et les gens de la sunna sont venus leur ont dit que des rêves ne sont pas une preuve qui permette de juger, qui ont pour conséquence un jugement. Non. Bien sûr qu'il est possible de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna shaytana la yatamathalu bi. Et il a dit faman ra'ani fil manam faqad ra'ani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui m'a vu dans son rêve, il m'a vu. Ensuite il a dit inna shaytana la yatamathalu bi, car le diable ne prend pas mon apparence. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit celui qui m'a vu dans son rêve m'a bel et bien vu. Donc tu auras vu, celui qui a vu le prophète sallam dans son rêve aura vu le prophète sallam comme il était dans son vivant au sein de ses compagnons radhiyallahu anhu. Donc ça c'est sifatul adan, la description de l'adan. Et concernant l'iqama, il y a des hadiths, le hadith d'Abi Mahdoura radhiyallahu anhu, où le prophète sallam a enseigné à Abi Mahdoura, on va citer après le hadith d'Abi Mahdoura, l'iqama بتربيع التكبير وتثنية جميع الكلمات. والرسول صلى الله عليه وسلم a enseigné à Abi Mahdoura الإقامة en faisant quatre takbirs. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وتثنية جميع الكلمات. Et de dire أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الكلمة الأخيرة وهي لا إله إلا الله. Donc autrement dit, il y a un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم où il a enseigné à Abi Mahdoura al-iqama comme on fait al-azan. Donc cela est autorisé et authentique dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai une question. Le fait de quand l'imam Quand il arrive au prophète, il dit « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Est-ce que nous on dit sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on dit sallallahu alayhi wa sallam? Inch'Allah, on va citer ça après. Il y a un chapitre sur ça, sur qu'est-ce qu'on doit dire pendant l'azan. Inch'Allah, je répondrai à ta question. استحباب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله. الحديث صحيح رواه أبو داود ومسلم. ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين وأن السامع يجيبه كذلك كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم. Il est préférable de rassembler, il est préférable pour celui qui fait la dame de rassembler les deux takbir dans un seul souffle. Selon Omar ibn Khattab رضي الله عنه, il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, lorsque le muaddin dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, que l'un d'entre vous dise Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puis lorsqu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah, dit Ashhadu an la ilaha illallah, etc. Et l'auteur dit, il y a dans ce hadith une preuve manifeste que le muaddin doit rassembler les deux takbirs en un souffle, et que celui qui répond doit répondre de la même façon. Autrement dit, le prophète a dit, il a dit le muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, en un seul souffle. Le prophète n'a pas dit, il a dit le muazzin, Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Lorsque le muazzin dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Non, le prophète a dit, il a dit le muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les savants ont déduit qu'il est préférable de rassembler les deux takbirs en un seul souffle. استحباب الترجيع. الترجيع هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. المصدر السابق يعني شرح صحيح مسلم للإمام النووي. عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. حديث صحيح رواه مسلم. Donc il est préférable de faire الترجيع. At-tarji', la définition de tarji', c'est de revenir aux deux shahadatayn en les disant deux fois à voix haute après les avoir dit deux fois à voix basse. Donc la définition de tarji' هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. Donc c'est de revenir, c'est-à-dire de répéter les deux shahada deux fois à voix haute après les avoir dites deux fois à voix basse. La preuve est le hadith de Abi Mahdoura. Abi Mahdoura radiallahu anh lui aussi a une histoire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a appris l'azan. Abi Mahdoura radiallahu anh, lorsque le prophète alayhi salam est rentré à la Mecque et au Mulfat, l'année de la victoire, des jeunes, un groupe de jeunes de Quraysh, se moquaient de l'appel à la prière. Et faisaient l'appel à la prière, non pas pour appeler à la prière, mais pour se moquer des musulmans. Et pour se moquer de l'appel à la prière. Et Abu Mahzoura, à l'époque, n'était pas musulman. Et le prophète alayhi salam a ordonné à ses compagnons de ramener ces jeunes et de les rapprocher de lui. Et pendant que ces jeunes faisaient l'adhan, le prophète alayhi salatu wassalam a repéré que l'un d'entre eux avait une très belle voix. Et cette personne, c'était Abi Mahdoura radiallahu anhu. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit à tous les autres jeunes de partir, hormis Abu Mahzoura. Je dis, toi tu restes. Et Abu Mahzoura radiallahu anhu dit, et la personne qui m'était, que j'ai détesté le plus à cette époque, c'était le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Azvin, fais l'appel à la prière. Et Abu Mahzoura a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne que j'ai détesté le plus, et la chose que je détestais le plus de faire, c'était d'appliquer l'ordre de celui que je déteste le plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Azdin. Et Abu Mahzoura lui a dit, Alimni. Apprends-moi comment faire l'azan. Et avant cela, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a posé sa main sur le devant de la tête d'Abu Mahzoura, l'a essuyé et a fait des invocations en sa faveur. Et les savants ont dit, Abu Mahzoura radiallahu anhu, par la suite, n'a jamais coupé les cheveux qui étaient où le prophète avait posé sa main, car c'était un endroit pour lui qui était béni. C'est vrai, le prophète, les endroits qu'il touche sont bénis. Et le prophète alayhi sallam lui a alors enseigné l'azan. Et Abu Mahzoura radiallahu anhu était fier. Pourquoi? Car c'est le prophète alayhi sallam en personne qui lui a appris et lui a enseigné l'appel à la prière. Il a dit, le prophète sallam lui a dit de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, puis de dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, thumma ya'ud fa yaqul. Et dans d'autres versions, le prophète alayhi sallam lui a dit, tu l'as dit, tarfidu biha sautak. Dans une autre version du hadith, dans la version de Abu Daoud, le prophète alayhi sallam lui a dit, tarfidu biha sautak. C'est-à-dire, tu l'as dit à voix basse. Thumma ya'ud, puis tu reviens et tu répètes et tu dis, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Tarfa'u biha sautak. Dans la version d'Abu Daoud, le prophète alayhi sallam lui a dit tarfa'u biha sautak, c'est-à-dire tu élèves ta voix lorsque tu répètes les deux shahada deux fois. Hayya 'ala as-salati marratayn, hayya 'ala al-falah marratayn. Donc de dire hayya 'ala as-salat deux fois, hayya 'ala al-falah deux fois, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Et l'auteur du livre Al-Wajiz a cité uniquement la version de Muslim. Et il y a d'autres versions dans les Sunan qui sont plus explicites, où la description du prophète, la description de l'adhan que le prophète sallam a fait à Abu Mahzoura est beaucoup plus explicite. Et entre autres, dans les autres versions présentes dans les Sunan, dans Sunan Abi Daoud et autres, le prophète alayhi sallam a enseigné à Abu Mahzoura 4 takbir. Au début, il lui a enseigné 4 takbir, de lui dire, il lui a dit, dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 takbir. Or, dans la version de Muslim, il n'est cité que 2 takbir. Il y a donc là une contradiction, entre guillemets, même si on avait dit qu'il n'y a jamais de contradiction dans les hadiths du prophète alayhi sallatu wassalam, mais les savants ont dit que les versions des autres hadiths sont plus authentiques. Donc, c'est elles qui doivent être prises en compte. Comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, العمل على الترضيع في التكبير هو قول جماهير أهل العلم. الشيخ الفوزان a dit l'application des 4 takbir est l'avis de l'ensemble ou de la majorité des savants. Et الشيخ ابن عثيمين a dit أن الترضيع أصح وأنه يؤخذ به وهي مطابقة لحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. Et الشيخ ابن عثيمين dit les versions qui citent les 4 takbir sont plus authentiques et sont en concordance avec la version ou encore en concordance avec le hadith de Abdullah ibn Zayd qui est, c'est quoi le hadith d'Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi, le rêve, et dans le rêve il y a combien de takbir, il y en a 4. Donc les savants ont dit, et c'est l'avis le plus sûr inshallah, que l'avis le plus sûr dans l'adhan de Abu Mahzoura, c'est qu'il y a 4 takbir. Donc, si on récapitule l'adhan d'Abi Mahzoura, il faut dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, quatre fois. Ensuite, à voix basse, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Puis à voix haute, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Et Abi Mahdhura radiallahu anhu, après que le prophète alayhi salatu wassalam lui a enseigné l'adhan, il lui a ordonné de faire l'adhan à Mecca. Et Abi Mahdhura radiallahu anhu était le muazzin de le masjid al-haram. C'était lui qui faisait l'appel à la prière dans la mosquée sacrée de la Mecque, jusqu'à ce qu'il soit décédé, radiallahu anhu. Vous avez compris l'adhan d'Abi Mahdhura? Non. Il n'était pas encore musulman. Le prophète sallam, juste avant, il avait posé sa main sur le devant de sa tête, et le prophète sallam a fait des invocations. Et ensuite, Abi Mahdhura a dit, et après cela, le prophète sallam était la personne que j'aimais le plus au monde. Non. Donc après, Abi Mahdhura a embrassé l'islam, et est devenu, comme je vous l'ai dit, le muazzin de le masjid al-haram. Non. C'est la question? Le jugement, c'est que la version d'Abu Daoud, les hadiths, les autres versions sont plus authentiques. Donc elles prévalent sur celle-ci. Le fait de dire les deux, ça n'a pas été appliqué au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Tu veux la version de muslim, les autres versions sont plus authentiques. Donc elles prévalent sur celle-ci. Il y a une règle dans ilm al-hadith, c'est ziyadat al-thiqa. C'est le fait que lorsque des rapporteurs sont plus fiables que d'autres et qu'ils rapportent un plus, ce plus-là doit être pris en compte. Pourquoi ? Car ces rapporteurs sont plus fiables que les autres. Non. Et pour les personnes qui, quand ils font la donne, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, ils commencent à chanter à la fin. Ça, on va citer, Inch'Allah, les choses qui sont interdites dans l'adhan, al-talhin. Et le fait de dire Allahu Akbar, cela, bien précisément, les savants l'ont interdit. Parce que Akbar, c'est le pluriel en arabe de tambour. Non, c'est le pluriel de tambour. Quand tu dis Allah, c'est des tambours. Wal'ayadu billah. Et certains savants disent Hadha min ash-shirk. Comme l'imam Ibn Abdel Wahhab a dit Hadha min ash-shirk. Donc c'est clair qu'il y a des choses qui sont interdites dans l'adhan. Il y a beaucoup d'innovations dans l'adhan. Le fait de trop prolonger les mots d'autres. D'accord. Et on va citer, Inch'Allah, après la parole des savants sur les choses qui sont interdites à faire ou les innovations présentes dans l'adhan. طيب يقول المؤلف التثويب في الأذان الأول للصبح عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وفيه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حديث صحيح رواه النسائي قال الأمير الصنعاني في سبل السلام قال ابن رسلان فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة التثويب في الأذان الأول للصبح التثويب durant le premier adhan du subh التثويب c'est-à-dire le fait de dire الصلاة خير من النوم. Les savants appellent cela التثويب. Donc, le titre, c'est At-Tatwib, le fait de dire As-Salatu Khairu Minan Naum, durant le premier Adhan du Subh. Selon Abi Mahdhura, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné l'Adhan et dans ce hadith, il y a été cité lorsque le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit Hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, as-salatu khayru min an-nawm, as-salatu khayru min an-nawm, fil oula min as-subh. Donc après, quand le prophète alayhi salatu wasalam a enseigné l'adhan à Abi Mahdoura, arrivé à Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, le prophète sallallahu alayhi wasalam lui a dit de dire as-salatu khayru min an-nawm, as-salatu khayru min an-nawm, dans le premier adhan du fajr ou du subh. Puis de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Al-Amir al-San'ani, qui a expliqué Subul al-Salam, a dit dans son livre Qala ibn Raslan. Ibn Raslan, wa huwa min ulama al-Islam, c'est un des savants de l'islam qui a entre autres expliqué Sunan Abi Daoud. Mais son livre n'a pas été édité. Il est toujours dans le monde des manuscrits. Ibn Raslan a dit فَشَرْعِيَةُ التَّثْوِيبِ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ الْفَجْرِ. Il est légiféré de faire un tathwib uniquement dans le premier adhan du fajr, car c'est pour réveiller celui qui dort. Quant au deuxième adhan, il est légiféré pour informer de l'entrée de l'heure et d'appeler les gens à la prière. Intaha. Non. Ça vient après, Inch'Allah. Le hadith vient après. Concernant At-Taswib, le fait de dire As-Salatu Khayru Min An-Nawm, les savants sont divergés. Les savants ont divergé. La plupart des savants sont d'accord sur le fait que As-Salatu Khayru Min An-Nawm se dit après Hayya, Hayya al-Falah. Car certains savants disent que As-Salatu Khayru Min An-Nawm se dit après l'adhan. Ils ont quelques hadiths, mais l'avis le plus sûr, Inch'Allah, comme les cités dans le hadith Abi Mahdoura, dans la version d'Abi Daoud, où le hadith est très explicite, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a bien dit de dire As-salatu khayru min an-nawm après Hayya ala al-falah. Et les savants sont divergés sur dans quel adhan doit-on dire As-salatu khayru min an-nawm. Est-ce que c'est dans le premier adhan ou est-ce que c'est dans le second? Car il y a deux adhan dans le fajr. Il y a un adhan, comme on va citer le hadith d'après, qui se fait vers la fin de la nuit, avant l'heure de subh. Il y a un deuxième adhan qui se fait à l'heure de subh. Où le prophète sallam a dit, lorsqu'il parlait à ses compagnons, Inna bilalan yu'adhinu bil-layl. Le prophète sallam a dit à ses compagnons que Bilal, radiallahu anhu, fait l'adhan de nuit. Et il a dit dans un autre hadith, Fakulu washrabu hatta yu'adhina ibn ummi maktoum. Et mangez, c'est-à-dire pour celui qui a l'intention de jeûner, mangez et buvez jusqu'à ce que appelle à la prière ibn ummi maktoum. Fa'innahu yu'adhina idha qila lahu asbaht asbaht. C'était une personne aveugle, ibn ummi maktoum radiallahu anhu, était une personne aveugle. Et il ne faisait l'adhan que lorsqu'on lui disait Asbahta Asbah, c'est-à-dire l'aube est apparue. Autrement dit, à l'heure du fajr. Donc, dans la sunna du prophète alayhi sallam, il y a deux adhan. Mais les savants sont divergés. Lorsque le prophète alayhi sallam a dit Fil oula min as-subh, dans le premier adhan de subh. Certains savants, comme Sheikh Al-Albani rahimahullah, ont dit c'est-à-dire dans le premier adhan. C'est-à-dire dans le premier adhan, celui qui est fait de nuit, qui est l'avis de Al-Amir al-Sam'ani, qui a expliqué ce Subul Salam. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah dit car le premier adhan qui est fait vers la fin de la nuit, son but est de réveiller les gens. D'où le fait de dire As-salatu khayru min an-nawm. Vous suivez? Et d'autres savants, la plupart des savants, disent que At-Taswib, il doit être fait dans le deuxième adhan. Adhan de Subh. Pourquoi? Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymeen, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Fil oula min as-Subh, dans le premier adhan du Subh. Et il dit, quand l'adhan qui est fait à la fin de la nuit, avant Sobh, on ne peut pas dire que c'est l'adhan de Sobh. Et il dit, le prophète sallam a dit, إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَا فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ. Lorsque la prière arrive, que l'un d'entre vous fasse la prière, l'appel à la prière. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen dit que, et Cheikh Ibn Baz et beaucoup de savants disent que le taswib, as-salatu khayrun min an-nawm, doit se faire dans le deuxième adhan. Et il dit aussi que lorsque, et si l'on dit, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, et si l'on dit, mais dans le hadith, il est cité, fil oula min as-subh, dans le premier adhan du subh. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, il n'y a pas de problème. Car le deuxième adhan du subh peut être considéré comme le premier et l'iqama comme le second. Car l'iqama est aussi appelé adhan. Le prophète sallam a dit, baina kulli adhanayni salah. Baina kulli adhanayni salah. Et Cheikh Ibn Uthaymeen et Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Abbad tous disent que le fait d'appeler à la prière, le fait de dire As-salatu khayrun min an-nawm, cela est dit, doit être dit dans le deuxième adhan, car c'est à ce moment que la prière est meilleure que le sommeil. Car As-salatu khayrun min an-nawm, ça veut dire la prière est meilleure que le sommeil. Car à ce moment, tout le monde doit se réveiller. Or, une personne qui dort vers la fin de la nuit, il est possible que pour cette personne, le sommeil soit préférable que la prière. Car une personne qui est fatiguée, qui n'a pas la force de prier, qu'est-ce qu'on va lui conseiller vers la fin de la nuit ? De prier ou de dormir ? De dormir. Pour lui, le sommeil est préférable et meilleur pour lui que de prier. D'accord ? Autant de preuves que les savants ont citées, et Cheikh Al-Albani rahimahullah, lui, a l'autre avis. Il dit non, on doit réveiller les gens dans le premier adhan, parce que c'est à ce moment où ils doivent se réveiller. Mais quant au deuxième adhan, les gens sont déjà tous réveillés. Pourquoi dire à Sadr Khalil Nannaou ? Parce que les gens, la plupart sont réveillés. Il y en a deux avis de grands savants. Les deux avis sont aussi forts l'un que l'autre, et comme l'a dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah, wal amru fi hadha wasi'un, et dans ce sujet le choix est vaste. Les hadiths sont clairs, ils peuvent être compris de deux façons. Lorsque le prophète sallam a dit dans le premier adhan du subh, on peut comprendre le premier adhan de Bilal, on peut comprendre le adhan de subh, de la prière de subh, en considérant l'iqama comme étant le second appel à la prière. Wallahu a'lam. Comment on détermine l'heure du premier adhan? Comment on détermine l'heure du premier adhan? C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où un compagnon dit, en parlant de l'adhan de Bilal et de l'adhan de Bilal et de Ibn Umm Maktoum, il disait, je crois que c'est Abdullah ibn Mas'ud, le temps qui séparait les deux adhan, c'était le temps que l'un descende et que l'autre monte. Et certains savants ont dit que c'est à peu près un quart d'heure. Et après, d'autres savants ont dit tout dépend du pays. Yani, tout dépend du pays et de l'habitude qu'ils ont pris. Par exemple, si jamais tu fais l'adhan un quart d'heure, le premier adhan un quart d'heure avant le second, les gens risquent de se mélanger. Ils vont pas savoir est-ce que c'est le premier ou est-ce que c'est le second. Quand par exemple en Arabie, à Médine, à la Mecque, le premier adhan se fait une heure avant. Une heure avant le second. Il n'y a pas de temps bien défini que l'on doit absolument respecter. Non. Tout dépend des gens et de ce qui est connu dans ce pays. En Arabie, tu sais que une heure avant Al-Fajr, le premier adhan, l'adhan qui est fait, c'est le premier adhan. Et ça laisse un laps de temps suffisant pour que les gens puissent différencier ces deux adhans. Contrairement à ceux qui font le premier adhan un quart d'heure avant le second, les gens peuvent se mélanger les pinceaux et ne plus différencier l'un de l'autre. Le premier adhan Bilal, Allahu alam. Le jugement du deuxième adhan, Allahu alam. Je ne sais pas. Je ferai une recherche, Inch'Allah. Le second, c'est clair, il est obligatoire. Le premier, Allahu A'lam. Non. Non. Non, bah dans ce cas-là, c'est inutile de faire l'adhan, parce que les gens n'entendent pas. Non, mais la cause qui te dit, toi, de pas dire ça tout khayyam un homme, on peut, en suivant ton raisonnement, dire de ne pas faire l'adhan du tout. Non, parce que quand tu appelles à la prière, à la base, c'est un appel à la prière. Donc tu appelles les gens à la prière. Donc, toi, tu dis, le fait de dire à ça tout khayyam un homme dans les pays européens, à l'intérieur des mosquées, il n'y a pas d'utilité, puisque les gens n'entendent pas ce que tu dis. D'accord ? Mais si on suit ce raisonnement, dans ce cas-là, l'adhan aussi, on ne le fait pas. Or, l'adhan, c'est une obligation. C'est une sha'ira, c'est même un emblème de la religion. Et en aucun cas, il ne doit être délaissé. Non. Même le fait de le dire. Même le fait de le dire, au contraire, il faut le dire. Il faut le dire, car c'est la sunna du prophète, alayhi sallam. Al-adhan, le prophète a enseigné à Abi Mahdour al-adhan, et on se doit de faire l'adhan, comme nous l'a enseigné le prophète alayhi sallam, que l'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Non, c'est pas un problème. La plupart des savants, comme j'ai dit, disent que l'Aswatul Khairu Minan Nawm doit se dire dans le second adhan. Mais si tu prends l'avis de Cheikh Al-Albani qui dit que l'Aswatul Khairu Minan Nawm ne se dit que dans le premier et non dans le second, dans ce cas-là, non, tu ne dis pas l'Aswatul Khairu Minan Nawm dans le second adhan. Alors que les Hal, comme je vous ai dit, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a dit Al-Amru fi hadha wasi'un. Yani, c'est pas un sujet qui doit entraîner des discordes entre les frères, des tensions, etc. Non, c'est dans le premier adhan qu'il faut dire Aswatul Khairu Minan Nawm. Non, c'est dans le deuxième. Et puis, il y a de l'animosité entre les frères. Non, au contraire. Chacun doit respecter l'autre. Pourquoi ? Car chacun a sa preuve. Et l'un n'a pas suivi ses passions. Au contraire, il a suivi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que la compréhension qui a changé. Or, cette compréhension, ce n'est pas n'importe quelle compréhension. C'est la compréhension des savants. Car il y a une règle qui dit « La taqul qawlan ma sabaqaka biha imam » Ne dis pas une parole dont ne t'a pas précédé un imam. D'accord ? Donc on peut, le fait de dire compréhension, d'accord, chacun peut comprendre comme il le veut. Non. Il y a une règle qui dit « La taqul qawlan ma sabaqaka biha imam » Ne dis pas une parole dont les savants auparavant ne t'ont pas précédé. Non, Cheikh Al-Mushin Abbad, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz sont de l'avis que l'adhan, al-tatwib, le fait de dire As-salatu khairu minan nawm, doit se dire durant le second adhan. طيب يقول المؤلف استحباب الاذان في اول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة. عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يرخم ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام حين يراه. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود. Donc il est préférable de faire l'adhan au début de son heure وتقديمه عليه في الفجر خاصة et de faire l'adhan avant son heure, et ceci uniquement pour la prière du Fajr. Donc là, le frère qui avait posé la question sur le deuxième adhan, si on suit l'avis de l'auteur, c'est préférable. Si on suit l'avis de l'auteur, c'est préférable, car il dit il est préférable de faire l'adhan au début de son heure, et il est préférable de le faire avant l'heure, et ceci uniquement pour la prière du Fajr. La preuve est le hadith de Jabir ibn Samurah radiallahu anhu qui dit Bilal radiallahu anhu faisait l'adhan au moment où le soleil commençait à dépasser le zénith. Au moment où le soleil dépassait le zénith, c'est-à-dire au début de l'heure de Dhuhr. La yarkhumu, ça veut dire qu'il ne négligeait pas cela et ne retardait jamais. Comme l'a dit As-Sindi dans l'explication de Sunan ibn Majah, wal murad annahu kana ghaliban yu'adhdhinu fil waqt al-mu'tad la yu'akhiru anha. Le Cheikh Sindi, qui a expliqué cela à Ibn Majah, a dit, et cela signifie que la plupart du temps, Bilal radiallahu anhu faisait l'appel à la prière à l'heure connue de la prière, c'est-à-dire au début de son heure, et ne retardait pas. ثم يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. Et Bilal رضي الله عنه faisait l'iqama lorsque il voyait le prophète صلى الله عليه وسلم sortir. Il y a un hadith rapporté dans Sunan Abi Dawud qui est authentifié par Cheikh l'Albani rahimahullah, que Bilal رضي الله عنه avait fait l'adhan une fois avant le fajr. Bilal radiallahu anhu une fois avait fait l'adhan avant l'heure du fajr. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a ordonné de retourner et de dire innal abda qad nam, innal abda qad nam. Le prophète alayhi salam a ordonné à Bilal de retourner et d'appeler les gens et de dire innal abda qad nam. Le serviteur a dormi, le serviteur a dormi. Et Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah a dit dans son livre Fathul Bari Sharh Sahih al-Bukhari, a dit wal murad ay qad mana'athu an-nawm, qad mana'a an-nawm li'aynayhi min tabsir al-fajr. C'est-à-dire que le sommeil a empêché les yeux de Bilal de voir l'aube. De voir l'aube. Et le prophète, c'est pour ça qu'il lui a dit innal abda qad nam, le serviteur a dormi. Autrement dit, excusez-moi, car mon état de sommeil n'a pas permis à mes yeux de bien voir l'aube apparaître. Pour appeler les gens à ne pas prendre en considération l'appel à la prière qu'il avait fait. Et les savants ont dit ce hadith de Bilal radiallahu anhu doit être compris et que ce fait a eu lieu au début de la hijra du prophète alayhi salatu wassalam, au début de l'islam, le moment où il n'y avait pas deux appels à la prière. Car au début il n'y avait pas deux appels à la prière, il n'y en avait qu'un seul. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Bilal de revenir et de dire innal abda qad nam, innal abda qad nam. D'accord, car certains peuvent vous dire oui mais pourquoi dites-vous qu'il est autorisé de faire l'adhan avant l'heure du fajr, alors que dans le hadith, le Prophète a dit à Bilal de revenir et de dire innal abda qad nam. On dit naam, c'est vrai, le hadith il est authentique. Et les savants ont expliqué et ont dit que cela, c'était au début de l'islam, au moment où il n'y avait qu'un seul adhan pour le fajr. Mais après, vers la fin de la vie du Prophète alayhi salam, le Prophète alayhi salam à Médine avait deux muazzins, avait deux personnes qui appelait à la prière. Le premier était Bilal et le second était Ibn Umm Maktoum. طيب فإذا خرج أقام حين يراه. Et là Bilal رضي الله عنه faisait l'iqama au moment où il voyait le prophète عليه الصلاة والسلام. Et là il y a une question qui se pose, quand est-ce que les personnes doivent se lever pour la prière? Il y a plusieurs hadiths à ce sujet et plusieurs paroles de compagnons radiallahu anhum. Il y a d'abord le premier asab de Anas radiallahu anhu qui se levait lorsque le muazzin disait qad qamat as-salah. Il y a ce asab de Anas radiallahu anhu qui se levait au moment où le muazzin disait qad qamat as-salah. Il y a d'autres hadiths comme le hadith d'Abi Hurayra dans Sahih Muslim qui dit que la prière au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on faisait l'iqama et les gens se levaient pour aligner leur rang alors que le prophète alayhi salatu wa sallam n'était pas encore arrivé dans son lieu de prière. Autrement dit, ils se sont levés avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrive. Et les savants ont dit que ces hadiths, ce hadith de Abi Huraira dans Sahih Muslim et le athar de Anas radiallahu anhu, comme l'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, doivent être compris lorsque l'imam est dans la mosquée. Lorsque l'imam est dans la mosquée et que les gens savent que l'imam est dans la mosquée, il se lève au moment où Al-Mu'adhin dit Qad qamat as-salah, ou bien au moment où il le voit. D'accord ? Au moment où il le voit. Ce n'est pas une obligation de se lever au moment où Al-Mu'adhin dit Qad qamat as-salah. Mais Anas radhiyallahu anhu le faisait. Néanmoins, ce n'est pas une obligation. Il y a un autre hadith du prophète alayhi sallam lorsqu'il dit إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. Lorsque l'iqama est faite, ne vous levez que lorsque vous m'avez vu. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah dit, ce hadith doit être compris lorsque l'imam est en dehors de la mosquée. Lorsque l'imam est en dehors de la mosquée, on applique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit de ne pas nous lever que lorsque l'on a vu, même si l'iqama a été faite. Même si l'iqama a été faite, si l'imam vient de l'extérieur, lorsque l'imam est à l'extérieur, même si l'iqama a été faite, on doit se lever pour la prière qu'à partir du moment où on a vu l'imam. D'accord ? Car les savants disent, car si les gens se lèvent, L'imam peut être retardé, l'imam peut arriver en retard. Et les gens sont beaucoup plus impatients lorsqu'ils sont debout que lorsqu'ils sont assis. Contrairement à lorsque l'imam est dans la mosquée, d'accord, et que l'iqama est faite, là on peut se lever même si on n'a pas vu l'imam, car on sait qu'il est présent et on sait que incessamment sous peu, il sera dans son endroit de prière et présidera la prière. Non. C'est ainsi que Cheikh Al-Albani rahimahullah a rassemblé les hadiths à ce sujet. On l'actifie bi hadha al-qadr wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.